Bunk bunk. Et j'ai ce maudit besoin de parler. À l'ancienne, mon ref, ça fait. Ok. On aurait besoin de parler, mais bon, on se terre dans le silence. Y'a plus besoin de dialoguer, y'a rien de plus sûr que l'abstinence. Comment ça va, les gars? Moi j'ai changé depuis le temps. J'vois plus les choses pareilles dans ma vie, j'deviens constant. Oui, j'fume toujours le canard, mais je squatte moins le canap. Les darons pètent les gamins, c'est toujours pareil par là. Ça compte pas trop les caras, c'est temps si j'pense au karma. Si j'suis pas carré, j'vais finir toute ma vie au tarma. Eh, frérot, j'm'en branle de la main divine. Car c'est pas elle qui apparaît lorsque j'hallucine. J'vois de l'amour et de la maille dans ma putain de vie. Traîner dehors et perdre du temps, j'en ai plus envie. Ouais. Le temps qui passe, c'est qu'on en repasse trop vite. Et moi je bouge pas comme un flemmard d'ermite. Tout en stand-by, on oublie vite qu'un jour on a rêvé. Et que ces rêves sont devenus des choses qu'on chavirait. Comment leur dire alors? Comment leur dire que tout va bien? Alors qu'en vrai tout va mal. Vu que personne ne tend sa main. Et j'ai ce maudit besoin de parler. Et j'en ai fumé des grammes, ouais. Les gens ne peuvent que nous comparer. On a marché sur des flammes, ouais. Pas le choix, j'avance, j'attends pas que la balance penche. Rien à faire d'être une tache noire au milieu d'une toile toute blanche. J'suis devenu gentil parce que les gens m'ont fait du mal. J'aurais pu devenir mauvais, vous auriez trouvé ça normal. Nous parlez pas de famille, je les ai jamais vus nous dire qu'ils sont fiers de ce que l'on fait, qu'on va peut-être s'en sortir. C'est pas grave, on n'oublie pas, un de ces jours on verra bien qui sera toujours sur le bas et qui sera le galérien. Eh, c'est toujours un fort et une armée de lâches. T'auras toujours tort aux yeux de ceux qui se cachent. Pour écouter, ils veulent peut-être qu'on se fâche. Mais bon, ils pleurent lorsque les liens s'arrachent. Je dis jamais rien, j'écoute beaucoup en fait. Je me couche le soir et chaque journée fait du bruit dans ma tête. Des fois la nuit, je suis dépressif comme une descente en fait. Des fois je me couche à 4 du mat, mais je ne fais pas la fête. Eh, le manque d'argent te monte au crâne. Ne compte pas du vert au rouge, pourtant tu bosses comme un âne. T'as l'impression de reculer et de voir les autres avancer. Tes potes sont des enculés et te freinent à lancer. La confiance dans une bouteille qu'on a jetée à la mer. Et tous les matins tu te réveilles, mal dormi, t'es à l'envers. Eh, que faire de plus à part se défoncer? À croire que peu ont l'idée de foncer. Quand j'ai une idée, moi je la tiens. Je me suis lancé dans la zig, sortir de la merde les miens. Mais c'est les miens qui me tournent le dos. Disent qu'on n'y arrivera jamais, je dois leur prouver qu'ils ont faux. Aucune rancœur, j'ai que de la peine pour eux. On ne fait rien quand on est trop heureux. Beaucoup de tristesse dans le regard des haineux. Je l'ouvrais déjà quand ils étaient zéeux. Aucune rancœur, j'ai que de la peine pour eux. On ne fait rien quand on est trop heureux. Beaucoup de tristesse dans le regard des haineux. Je l'ouvrais déjà quand ils se taisaient eux. J'avais des frères qui sont devenus des inconnus. J'avais une famille sur cette terre, mais j'ai bien dormi dans la rue. L'objectif c'est de s'épaire ou au moins gagner des revenus. Bien sûr je préfère être sincère quand ça fait pas de moins vendu. Moi et Rémi c'est l'histoire de deux gosses déterminés. Personne ne nous fera croire que le rap est une terminée. Gros j'ai même pas commencé, ils pensent que j'ai terminé. Si je monte en haut un jour, bah c'est que c'est mérité. Et j'ai ce maudit besoin de parler. Comme si j'étais déjà condamné. J'ai vu tous mes rêves se barrer. Normal qu'on passe comme des damnés. Bunk, bunk, besoin de parler.